Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Question 9. Du motif au moteur de la volonté. La volonté est-elle mue par l'intelligence? L'est-elle par l'appétit sensitif? Se meut-elle elle-même? Quelle est sur elle l'influence des corps célestes? Quelle est l'action de Dieu? 1. La volonté est-elle mue par l'intelligence? Le philosophe a dit, l'objet appétible que perçoit l'intelligence est un moteur non mu, mais la volonté est un moteur mu. Toute faculté de l'âme, en effet, a besoin d'un double moteur, l'un, pour la mettre en exercice, car tantôt elle agit et tantôt elle n'agit pas, l'autre, pour spécifier et déterminer les actes qu'elle doit produire. Ce dernier moteur, en ce qui est de la volonté, n'est autre que la fin qu'on se propose, mais comme le bien, en général, considéré comme fin, est l'objet propre de notre volonté, sous ce rapport la volonté fait mouvoir toutes les autres facultés, qui n'ont pour fin que des biens particuliers, car nous nous servons de nos facultés quand nous voulons. La volonté est un général d'armée, qui, devant pourvoir au bien commun, donne ses ordres au commandant chargé d'un seul bataillon, mais, à son tour, elle est mue par l'intelligence qui spécifie et détermine ses actes particuliers, en lui présentant chaque objet final comme bon et digne d'être recherché. Note. La volonté meut l'intelligence pour la mettre en exercice, et l'intelligence meut la volonté par un objet final qui détermine tel acte plutôt que tel autre. L'intelligence, toutefois, ne meut pas nécessairement la volonté. Fin de la note. 2. La volonté est-elle mue par l'appétit sensitif? Chacun, dit saint Jacques, épître 14, est tenté par sa concupiscence qui le séduit et l'entraîne. La concupiscence est dans l'appétit sensitif, donc cet appétit meut la volonté. Nous l'avons dit, ce qui se présente à l'intelligence comme bon et désirable, meut la volonté sous forme d'objet final. Ajoutons que, quand une chose nous paraît bonne et désirable, cela peut provenir de deux causes, de ses qualités et de nos dispositions présentes. Or, il est évident que les passions de l'appétit sensitif font varier nos dispositions. L'homme qui est en colère, par exemple, ne trouve-t-il pas bonne une action qu'il juge autrement dès qu'il est apaisé? Voilà pourquoi le philosophe disait, tel nous sommes, tel nous paraît une fin. De cette manière, l'appétit sensitif meut indirectement la volonté. Note. La volonté peut néanmoins lui résister. Elle résiste parfois, mais souvent elle succombe. Fin de la note. 3. La volonté se meut-elle elle-même? La volonté est maîtresse de vouloir et de ne pas vouloir, donc elle se meut elle-même. L'intelligence qui perçoit un principe, passe d'elle-même à la connaissance des conclusions. Il en est de même de la volonté. Par cela même qu'elle veut une fin, elle se porte de soi à vouloir les moyens. Note. La volonté, direz-vous, a donc deux moteurs immédiats, l'intelligence et elle-même? Oui sans doute, mais ces deux moteurs n'agissent pas sur elle de la même façon. L'intelligence la meut par le moyen des objets, elle se meut elle-même pour entrer en exercice, à raison de la fin. Fin de la note. 4. La volonté est-elle mue par quelques principes externes? La volonté est incontestablement mue par un principe externe, puisqu'elle l'est par son objet, mais il faut nécessairement admettre qu'elle reçoit, en outre, le mouvement d'un principe externe pour l'exercice de son premier acte. Il est vrai qu'elle se meut elle-même lorsque, Voulant une fin, elle se porte aux moyens qui y mènent, mais cela ne se fait pas sans quelques délibérations intermédiaires. Désireux, par exemple, d'être guéri, j'en cherche les moyens, et, après avoir réfléchi, je veux un médecin. Mais, comme je n'ai pas toujours voulu en acte ma guérison, j'ai dû être conduit à la vouloir par quelque moteur, car, si ma volonté s'y fût portée d'elle-même, c'eût été après une délibération qui supposerait encore un acte antérieur de volonté, et on ne saurait remonter indéfiniment de délibération en délibération. Nous sommes ainsi forcés de reconnaître que la volonté, dans son premier mouvement, dépend d'un principe extérieur qui la meut instinctivement. Note. Si le mouvement de la volonté est volontaire, quoi qu'il procède d'un premier principe extérieur, c'est qu'il suffit au volontaire que son principe prochain soit intérieur, et qu'il n'est pas nécessaire que ce principe ne reçoive point le mouvement d'un autre. Lorsque la volonté est mue par un principe extérieur, c'est toujours elle qui veut, quoique mue par un autre. Dans certains actes, elle se meut suffisamment elle-même comme cause prochaine, mais elle ne le peut pas dans tous. Fin de la note. 5. La volonté est-elle mue par les corps célestes? Les corps célestes ne sauraient affecter directement ni l'intelligence, ni la volonté, puissance indépendante de nos organes. Nul corps ne peut agir immédiatement sur les substances incorporelles, pour les facultés sensitives qui ne sont que certains organes mis en acte, les corps célestes peuvent leur imprimer un mouvement, au moyen de ces organes mêmes. Or, comme la volonté est mue d'une certaine manière par l'appétit sensitif, les mouvements des corps célestes peuvent agir indirectement sur elle, à l'aide des passions qu'ils surexcitent dans la partie sensitive de notre être. Note. L'influence des corps célestes peut disposer certains hommes à la colère, à la concupiscence ou à toute autre passion. Le sage, toutefois, domine les astres, comme disait Ptolémée, ce qui signifie qu'en résistant aux passions, la volonté reste libre. Par ce moyen, tout homme vertueux se soustrait à l'influence des astres. L'état de l'atmosphère et des climats entre dans l'influence des corps célestes. Fin de la note. 6. Dieu est-il le seul principe extérieur qui meut la volonté? C'est Dieu, dit l'apôtre, qui nous fait vouloir et accomplir. Philippiens 2, 13. Si le mouvement naturel à une chose ne peut provenir que de l'auteur même de sa nature, le mouvement volontaire, qui vient d'un principe intérieur, comme le mouvement naturel, ne saurait non plus être produit par un principe extérieur autre que la cause même de la volonté. Or, Dieu seul est la cause de cette faculté, premièrement, parce qu'elle est une puissance de l'âme raisonnable, que lui seul produit par voie de création, secondement, parce qu'elle se rapporte au bien universel, et qu'une cause particulière ne peut donner une inclination universelle. Dieu est donc le seul principe extérieur qui meut efficacement la volonté. Note. Les autres êtres, l'ange lui-même, ne la meuvent que par le moyen d'un objet extérieur. Dieu, comme moteur universel, la meut vers son objet universel qui est le bien. Sans cette impulsion générale, l'homme ne pourrait rien vouloir. On dira peut-être que si Dieu est le seul principe extérieur qui meut directement la volonté, il n'y a plus aucun moyen de s'expliquer l'existence du mal. Mais il est aisé de répondre que Dieu, qui meut la volonté, en général, vers son objet universel ou le bien, laisse ensuite la raison de l'homme se déterminer vers tel bien réel ou apparent, c'est là que le mal se produit. Cependant, on verra plus loin, question 109 et 114, que Dieu, par sa grâce, porte quelquefois certaines personnes à vouloir des biens déterminés. Devons-nous croire que Dieu gouverne notre liberté en la conduisant certainement aux fins qu'il s'est proposées, ou faut-il penser, au contraire, que, dès qu'il a fait une créature libre, il la laisse aller où elle veut, sans prendre aucune part en sa conduite, que de la récompenser si elle fait bien, ou de la punir si elle fait mal? La notion que nous avons de Dieu résiste à ce dernier sentiment, car nous concevons Dieu comme un être qui sait tout, qui prévoit tout, qui pourvoit à tout, qui gouverne tout, qui fait ce qu'il veut de ses créatures, et à qui doivent se rapporter tous les événements de ce monde. Que, si les créatures libres ne sont pas comprises dans cet ordre de la providence divine, on lui ôte la conduite de ce qu'il y a de plus excellent dans l'univers, c'est-à-dire des créatures intelligentes. Il faut croire que tout l'ordre des choses humaines est compris dans celui des décrets divins, et, loin de s'imaginer que Dieu ait donné la liberté aux créatures raisonnables pour les mettre hors de sa main, on doit juger, au contraire, qu'en créant la liberté même, il s'est réservé des moyens certains pour la conduire où il lui plaît, confère Bossuet. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.